Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est pas assez. Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ? C'est pas assez. Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe. Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot ? C'est beaucoup trop. Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas. Bon, eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est pas assez. Ah, quand ici vous dormirez, vos femmes pourront vous veiller. C'est pas assez. Oh, nos femmes, quelle erreur est la vôtre ? Nous préférerions celle des autres, voyons. Ben, voulez-vous Ninon de l'Enclos ou la Vénus de Milo ? C'est beaucoup trop. Ah là là, messieurs, vous n'êtes vraiment pas commodes, savez-vous ? Vous protestez, et pour quelle raison ? D'abord parce que c'est la mode, et puis pour embêter le patron. Ah, c'est comme ça. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est pas assez. Alors, voulez-vous être commandeurs tous de la Légion d'honneur ? C'est pas assez. Comment ? Enfin, songez au revers de la médaille. Car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille, non ? Soit, nous l'avouons bien haut, vous travaillez du chapeau. Ah, pas le semble, c'en est trop.